émission autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Que va-t-il se passer en dehors de vos murs? Vous allez de suite le savoir. Je suis actuellement au téléphone avec Jackie Monin pour parler d'un événement qui se déroule depuis le 1er juillet et jusqu'au 30 septembre. Jackie, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va très bien, et vous? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Je suis Jackie Monin, donc j'habite Saint-Amé et je fais partie des Amis de la Nature de Remiremont. L'association Les Amis de la Nature de Remiremont, c'est quoi? Alors, c'est un mouvement, on fait partie d'un mouvement associatif de tourisme social et de loisirs populaires qui est né en 1895. C'est-à-dire, ah oui, ça fait à peu près 127 ans, à Vienne. Donc, les Amis de la Nature, c'est international. Il s'étend sur plus de 45 pays en Europe, même au-delà. Voilà. Et pour la petite histoire, c'est deux instituteurs autrichiens qui voulaient sortir les enfants et les familles défavorisées des villes pour les emmener la campagne et prendre le bon air. Voilà. Et nous, ça a commencé ici en 1935, un petit groupe qui voulait continuer à perpétuer tout ça. Et le chalet a été acheté en 1937, donc c'est pas tout jeune non plus. D'accord. Voilà. Et depuis 1937, nous possédons le chalet qui a été rénové plusieurs fois. Ils ont ils ont apporté un deuxième étage. Et voilà, ainsi de suite. Et là, nous accueillons donc soit des randonneurs, des familles. Il faut savoir que ce n'est pas réservé aux Amis de la Nature. Quelqu'un qui n'est pas membre peut venir également coucher dans notre chalet. Ah, c'est bien ça. Ah ben oui, et ça faut le savoir. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, et c'est, si vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'un refuge. Donc les gens viennent, ils se font à manger, on a une superbe cuisine, et ils se font à manger. Nous on ne fait pas à manger. Mais on a toute une cuisine qui est équipée. Et après, ils peuvent. Au premier étage et au deuxième étage, il y a douche, sanitaire, mais là c'est en commun. Il y a des chambres de 2, de 3, de 4, 5 et une de 7 lits. Ah oui. Voilà. Et ça représente à peu près 49 couchages si on comprend celle du gardien. Ah, c'est pas mal, dis donc. Ah, c'est pas mal. Et en plus, on bénéficie d'un superbe panorama sur la vallée de la Moselle, avec en fond le ballon d'Alsace et le ballon de Servance. Ah, ça doit être quelque chose de beau à voir, ça. Ah, c'est magnifique. Moi, ça fait des années que je suis membre, et je prends la garde. Chaque année, je prends 15 jours de garde et j'en suis très content. Parce qu'on fait de très très très belles rencontres. Oui, je m'en doute. Quel est votre parcours au sein de l'association? J'ai été simple membre et j'ai été jusqu'à président pendant 6 ans. Et après, j'ai laissé la place à Madame Bouvier, Jacqueline, qui elle doit y être depuis 10 ans. Mais moi, je m'occupe encore de tout ce qui est sorti. On va parler de photos, de l'activité photo. Voilà. Oui, et donc je m'occupe des activités principales du chalet. Donc on propose aux gens ici des marches. Il y a une marche qui se fait tous les mardis, soit à la demi-journée suivant, ou soit à la journée suivant le temps qu'il va faire. Et ça, on prévient les gens sur notre site et des Amis de la Nature remiremont.org. Donc on les prévient la veille de l'endroit où on va se retrouver. Donc on a des marches et en hiver, si on ne peut pas marcher, bien sûr, on fera des sorties raquettes. On propose également comme activité, parce qu'on a quand même des activités. Donc après, il y a l'activité photo, on fait une activité aquarelle. On fait sur Miremont de la danse libre selon la méthode Malkowski. Enfin, je dis peut-être mal, mais... Ah, c'est pas facile à dire. On participe au marché de Noël. On fait des rencontres au chalet. Il y a de la pétanque, du tarot. Par contre, bien sûr, il faut entretenir le chalet. Donc, pour nous chauffer, on fait des coupes de bois, on fait du bois, du nettoyage et du gardiennage, comme je suis en train de faire. Voilà pour un peu nos activités qu'on propose. Alors, combien de bénévoles et d'adhérents compte l'association ? Alors, à l'heure actuelle, si mes souvenirs sont bons, on doit être 149. Ah oui, quand même. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas actif, malheureusement. Vraiment des actifs, on est 25 environ. Les autres viennent et profitent du chalet. Alors, comment sont réparties les tâches pour les différentes activités de l'association ? Est-ce qu'il y a une personne particulière par activité ? Ah oui, tout à fait. Je vous prends comme la marche. On est 4 animateurs de randonnée. Là, on fait un tour de rôle, si vous voulez. La photo, c'est pareil. Je dirige un peu. J'aime pas ce mot diriger. Je pousse un peu les autres à sortir. Mais bon, on est toute une équipe. On se prend pas la tête. On fait des sorties. On essaye d'expliquer aux autres ce qu'il y a qui va, ce qu'il y a qui va pas. À la danse libre, il y a une animatrice. Puis à l'aquarelle, pareil, une animatrice qui fait ça. Et puis après, pour les gardes, on est plusieurs à prendre la garde. Alors nous allons parler maintenant de l'événement qui se déroule depuis le 1er juillet autour du chalet de la Beuille. Que se passe-t-il là-bas ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, comme l'activité photo est intéressante et qu'on a de bons photographes, on va dire, on n'est pas des professionnels, loin de là, mais on voulait montrer aux gens qui viennent, et surtout à ceux qui viennent admirer le paysage, et toute la vallée de la Moselle, on voulait leur montrer un peu les photos que nous prenions au cours de notre activité. Il y a 3 ans, on a commencé par en mettre 5 ou 6, on va dire. Uniquement, c'était de la faune. Après, on a continué l'année passée en mettre 25, et cette année, on en a mis 50. D'accord. 50, mais un peu grand format. Grand format, le plus petit fait 60 sur 90. Ah oui, quand même. Centimètres. Et on a fait tirer ça sur bâche. Pourquoi sur bâche ? Parce que c'est aussi pour les intempéries. Bon, moi, par chance, il n'y a encore pas trop... Enfin, par chance, ou malchance, parce qu'avec la pluie, on n'a pas eu trop de pluie en ce moment. Donc ça se dégrade moins, ça va. Et ça a un coût moins important que si on faisait sur de l'alu d'ibon. Chacun a un peu son domaine, si vous voulez. Il y en a qui seront plus animaliers. Moi, je suis plus paysage. Il y en a qui feront de la flore, des photos de fleurs. Et on a quelques photos également de nos sorties qu'on a fait, qu'on organise une fois par an ou deux fois par an. On va sur 11 jours, on va, comme cette année, on est allé dans les Bauges. Dans les Bauges, entre Annecy et Chambéry. L'année passée, on était en Bretagne. Donc, il y a quelques photos aussi de nos sorties là, prises par nos photographes de l'activité photo. Alors, quel est le thème de l'exposition photo ? Alors le thème, nous, bien sûr, c'est la nature, et on l'a fait sur les 4 saisons. D'accord. On va commencer, si vous venez à notre chalet, vous commencerez par l'hiver. Mm-hmm. Hiver, après, printemps, été, automne, et vous terminerez par l'hiver. Alors aussi bien, je vous dis, faune, flore, paysage. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'il y a une exposition au chalet ? Ça fait 3 ans. D'accord. La première année, on en a mis 5 ou 6. La deuxième année, 25. Et cette année, 50. On s'aperçoit que les gens aiment bien venir. Ils aiment bien voir les photos. Et que ça soit aussi bien sur les grands sites, comme Haut du Thon, à Buisson, ou même... Les gens aiment bien. On a dit pourquoi pas nous en faire une également. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que ça marche quand même, ça marche très bien, parce que bon, sans tenir parfaitement, mais là on en est presque à 800 personnes qui sont déjà venues voir notre exposition. Ah oui, quand même, c'est bien. Ah oui, depuis le 1er janvier, depuis le 1er juillet. Ah là, je suis vraiment bien content. Moi, je trouve que ça marche super bien. Alors, est-ce que cette expo, elle peut permettre aux visiteurs d'avoir un aperçu de certains panoramas qu'ils ne pourraient pas voir ailleurs ? Oh, bah c'est principalement des photos aussi, ils peuvent le voir, mais il y a certains moments. Par exemple, j'ai pris au lac de Lichpa une photo d'un reflet d'une montagne au coucher de soleil. Si j'étais arrivé un quart d'heure plus tard, je ne pouvais absolument pas faire cette photo. Donc les gens peuvent peut-être aimer. Ouais. Alors chaque saison a un paysage particulier, c'est quoi votre préféré ? Ah moi j'en ai trois préférés, j'ai l'hiver, le printemps et l'automne. Alors pourquoi ? Moi personnellement l'automne j'aime bien, c'est les différentes couleurs qu'il y a dans les feuilles. Voilà, vous avez des couleurs chaudes, vous avez des couleurs très chaudes et ici on peut se faire plaisir. Comme par exemple avec le plateau des mille étangs ou avec les étangs qui sont autour de nous. Vous pouvez faire des beaux reflets, vous pouvez faire avec des paysages magnifiques. Hein, et des couleurs très chaudes, puisque l'automne, c'est spécial pour ça. Après, le printemps, c'est parce que s'il y a des verts tendres, il y a des... Voilà, c'est des beaux paysages aussi, avec des belles couleurs de vert dégradé qui sont magnifiques. Et l'hiver, parce que j'adore l'hiver et que je suis montagnard, skieur, et il y a des belles choses à faire aussi. Il y a aussi des cascades, les cascades qui sont magnifiques. Bon, pas à l'heure actuelle, mais quand elles coulent, vous avez des cascades qui sont magnifiques. Alors, il y a aussi des randonnées à faire près du chalet. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés ? Oui, il y a, mais bon, des difficultés, il y en a un petit peu, mais c'est pas des grosses difficultés. Ça demande pas non plus d'être vraiment le haut montagnard. Mm-hmm. Vous partez du chalet, vous avez, en ce moment, moi j'indique une randonnée en partant du chalet, vous allez sur la Vigotte après... Vous faites le sentier des vieilles abbayes, vous passez à la cascade du Géard, c'est pratiquement tout à long. Et c'est sans difficulté, sauf mis à part qu'il y a 10 km ou 11 km. Alors combien de kilomètres fait la plus petite marche et la grande, du coup ? Autour du chalet. Voilà. Je vous dis, là, une des plus grandes, ça serait celle-là. Maintenant, ça dépend de tout, c'est que dans quel secteur vous allez. Ça dépend tout. Moi, quand les gens viennent au chalet, bon, on discute avec et je vois à peu près leur niveau. Et je leur indique en fonction à peu près du niveau que j'estime, je leur indique les sentiers à prendre. Mmh. Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association et devenir bénévole ou adhérent ? Il suffit de venir par exemple à nos marches si vous êtes intéressé par la marche. Vous venez à nos marches qui sont le mardi, et de là après, si vous êtes intéressé, vous adhérez aux Amis de la Nature. Mais en premier, venez déjà voir. On n'est pas là à attendre le client, comme on dit. Vous venez déjà, et si vraiment ça vous plaît, là vous prenez l'adhésion. J'aime bien que les gens viennent et puis qu'ils soient contents. Donc s'ils sont contents... Là, ils adhèrent. Et après, c'est une question d'assurance quand on part dans nos randonnées. Alors, quels sont vos futurs projets après l'exposition, Jackie ? Eh bien, continuer notre marche, continuer nos photos, et en espérant que l'année prochaine, on refasse une exposition photo. On est déjà parti un petit peu. Là, on va rediscuter après celle-là. De savoir quel thème on peut aborder. Mais de toute façon, il faudra qu'on aborde quand même un thème sur la nature, parce qu'on ne veut rester que sur la nature. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors, sur Internet, vous avez donc notre site qui est aminaturemiremont, tout en petites lettres, hein, .org. Et puis, eh ben, réseaux sociaux, non, on n'est pas sur Facebook ni les autres. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, qu'on fasse toujours de belles photos, de belles randonnées. Et puis, moi, j'incite les gens qui nous entendent à venir voir cette exposition. Et ils profiteront également du panorama. Ça, c'est... Venez, vous verrez. Et puis même... enfin, moi, je suis gardien jusqu'à dimanche. Bon, les autres gardiens le font aussi, mais si vous voulez visiter le chalet, il n'y a aucun problème, on fait visiter le chalet. Est-ce qu'il y a des horaires à respecter ? Non, il n'y a pas d'horaire. Enfin, pour visiter le chalet, bien sûr que si, puisque nous, on a des randonneurs qui passent, on a... Donc, faut quand même une certaine quiétude à partir de 20h, de 22h. Alors, il est malheureusement le temps de se quitter. Jackie, merci d'avoir été avec nous. Voilà, ben c'est moi qui vous remercie de vous avoir intéressé à notre expo. Je vois que ben, c'est bien. Les gens qui viennent, je vous dis, sont très satisfaits. Moi, pour l'instant, bon, je veux pas... mais je n'ai eu que des compliments. Donc, moi, ça me fait très plaisir. Oui, j'imagine. C'est toujours plaisant d'avoir des bons retours. Exactement. Alors j'espère que de nombreuses personnes viendront voir l'exposition et que les randonneurs, qui soient débutants ou confirmés, viendront profiter du paysage. Tout à fait. Quant à vous, auditeurs et auditrices de Radio Guémozo, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Laura. Bye tout le monde.